Tu es mon ami, Seigneur. Tu es mon ami, Seigneur. En venant sur terre, tu nous as fait cohéritiers du Christ. Nous pouvons t'appeler grand frère Jésus. Nous pouvons t'appeler un ami. Lorsque je me sens abattu, Seigneur, je ne viens qu'auprès de toi. Lorsque je ne sais plus voir le futur, je sais que toi, tu vois le futur. Seigneur, tu dis à tes disciples, allons sur l'autre bord. Même si les vents de la mer pouvaient jaillir, pouvaient bouger les bateaux, tu as dit une parole, allons sur l'autre bord. Un ami fidèle, c'est toi. Yeah. voix s'élève. Dans la joie, je le vois, tu es mon ami. Dans la tristesse, tu es mon ami. Toi, dans le malheur, tu es mon ami. C'est toi. Dans oh, la Jésus. Joie, tu es mon ami. Oh Jésus. Oh, Jésus. Quel est cet ami si fidèle comme toi, Yahweh. Tu es mon ami, Seigneur. Tu es mon ami, à la croix tu as tout accompli. Oh Jésus, oh bien-aimé, élève ta voix, adore Dieu. Continue à élever ta voix, adore Dieu, il est ton ami. Je ne sais pas ce qui t'empêche, ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas ce que toi tu penses que ça bloque ta vie. Tu as un ami, il est ton compagnon, élève ta voix, adore Dieu. Mon ami, c'est chaque instant, celui qui entend mon cœur, celui qui comprend ma douleur. Quand je pleure, tu es là. De chaque instant, quand je souris, tu es là. La personne qui me connaît le mieux, tu es là. Même quand je pleure, quand je ris, mon ami, mon ami, tu es là. Tu me comprends. Tu m'entends avant même que je ne sorte le mot de ma bouche. Celui qui est toujours là.